Hola a todos y todas, estamos en Radio Kaleidoscope 97 FM, lunes 24 de diciembre y son las 11 de la mañana. Como hablamos la semana pasada del movimiento estudiantil en Francia que se dio contra la ley sobre la autonomía de las universidades, seguimos con este tema, pero hablando más específicamente de la represión y del rol de los medios de comunicación que tuvieron durante todo el movimiento estudiantil. Este programa se basa sobre la entrevista que tuve con un compa de Indymedia y que estuvo siguiendo de cerca el movimiento, pero fue hecha hace 2 semanas la entrevista. Y desde entonces quería actualizar más o menos la situación. Lo que pasó el día 20 de diciembre es que fue desocupada, desalojada la ocupación que se tenía en la universidad, ocupación de locales que se habían tomado para poder organizar la lucha y poder realizar una universidad popular. Ese desalojo fue hecho de manera muy violenta a las 4:30 de la mañana con una brigada especial, brigada encapuchada, durante los cuales arrestaron a todos los estudiantes, de los cuales 3 tuvieron que quedarse en el comisariado en detenidos, ¿no? Acusados de degradación de bienes públicos y ocupación ilegal de lugares públicos. Esos son los cargos que tienen en su contra. Y en realidad no se sabe mucho cómo, por qué condenaron a ellos y no a otros. Medida completamente arbitraria por parte de autoridades denunciar eso. Y denunciar también que dentro de la ocupación se encontraba una persona sin documentos legales para estar en Francia, que fue arrestada y llevada a lo mejor a un centro de retención, el cual todavía no tenemos, no se tienen informaciones más o menos públicas para dar saber más. Esto era para denunciar el desalojo y actualizar también la situación. Les ruego que sigan información en Indymedia Grenoble, Indymedia que es el portal de información independiente y que realiza más bien contrainformación para poder informar todo lo que los medios de comunicación tratan de acercar. Y si quieren información traducida, pueden escribir al correo corajeydignidad@no-log.org. corajeydignidad@no-log.org. La próxima semana se seguirá con el programa, con el tema, y hablando con un profesor de la Universidad de Grenoble. Bueno, los dejo con la entrevista y con musiquita rebelde. Mira que es un rey, el futuro que nos reserva-t-il. Que nos reserva-t-il. Que nos reserva-t-il. Alors je vais revenir sur la chronologie un petit peu des événements, ce qui s'est passé à la fac de Grenoble depuis le début du mouvement. Déjà il faut savoir que dès la rentrée universitaire, on savait qu'il y aurait certainement un mouvement étudiant, parce que la loi Pécresse dite sur l'autonomie des universités était passée pendant l'été. La mobilisation étudiante s'est faite progressivement, et la première assemblée générale étudiante assez importante, c'était le 17 octobre, qui rassemblait plus de 1000 personnes. À ce moment-là, beaucoup d'universités en France étaient en train de commencer à rentrer dans un bras de fer avec le gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les vacances universitaires. Le début vraiment de la grève commençait après les vacances, c'est-à-dire autour du 10 novembre. Le 13 novembre, à Grenoble, a été votée la grève avec blocage total de l'université et occupation des locaux. C'est-à-dire que le mouvement avait envie de se donner les moyens de durer dans le temps et de s'organiser et d'être en permanence sur le lieu de la lutte, quoi. C'est-à-dire l'université. Là, je vais parler de ce qui se passe sur le campus, en fait, à partir du 13 novembre. À ce moment-là, comme l'occupation est votée, comme la grève est en train de se construire, les étudiants en fait vont essayer de se réunir tous les jours. Ils vont essayer de faire pression sur les présidents d'université, notamment le président de l'université Stendhal, afin d'obtenir en fait un lieu dans lequel ils pourraient organiser des réunions, vivre, donc c'est-à-dire pouvoir manger, dormir sur place et organiser les départs en action. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette semaine, la semaine du vote du blocage, le 13 novembre, il y a eu plusieurs tentatives d'occupation de locaux et à chaque fois, les étudiants se sont confrontés aux vigiles, donc à la sécurité, aux sociétés de sécurité privées, qui ont fait un travail de police, c'est-à-dire que ces vigiles n'ont pas hésité à montrer de la résistance et intervenir violemment contre les grévistes et les étudiants qui voulaient bloquer. Et Surtout, une des choses que j'avais moi jamais vues et qui était très choquante, c'était très tôt l'intervention de la police qui a été demandée par les présidents d'université. Donc cette semaine du 13 novembre, il y a eu deux soirs de suite, une intervention de la police sur le campus avec les premières arrestations, trois personnes, trois étudiants qui ont été arrêtés. Ça a été la première semaine. Semaine donc qui a été ponctuée de différents moments de manifestations ou d'actions menées par les étudiants, mais malheureusement qui ne s'est pas terminée par une occupation permanente de locaux. Il faudra attendre la semaine d'après, le moment où le mouvement va être peut-être le plus fort, la semaine donc après le 20 novembre, pour que les étudiants obtiennent, à force de pression sur le président de l'université Stendhal, obtiennent un lieu permanent pour organiser la lutte. Donc en parallèle du blocage de l'université et des actions et de la mobilisation sur le campus, il y a eu depuis 3 semaines, plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine, des manifestations en centre-ville, des actions symboliques. Il faut savoir que la plus grosse manifestation, ça s'est déroulé le 20 novembre, le jour où les fonctionnaires avaient appelé à manifester, à être en grève et à manifester. C'était le moment où le personnel de la RATP et la SNCF étaient en grève. Et cette manifestation de 15 000 personnes a rassemblé aussi, bien sûr, les étudiants et les lycéens. Et s'est terminée par une manifestation sauvage, c'est-à-dire que la manifestation s'est poursuivie dans les rues de Grenoble de façon illégale, c'est-à-dire que la préfecture n'avait pas donné son autorisation. Et on a vu à ce moment-là que les étudiants, les lycéens et les gens qui voulaient encore continuer à manifester leur opposition à la loi et au gouvernement, tous ces gens là ont été confrontés très rapidement à la violence de la police, en tout cas à une présence massive de la police qui n'a pas toléré que cette manifestation puisse se dérouler, qui a très rapidement essayé de disperser le cortège, qui à un moment donné a été coupé en plusieurs parties. C'est à ce moment-là qu'une quinzaine de personnes a été arrêtée. Une quinzaine de personnes donc ont été contrôlées, fouillées, amenées au commissariat en garde à vue pour l'équivalent de 6 heures, 7 heures d'arrestation pour avoir manifesté uniquement dans les rues de Grenoble. C'était effectivement pour beaucoup un souvenir assez désagréable des manifestations anti-CPE de 2006, où on a assisté dans les rues de Grenoble à des rafles massives de personnes, des manifestants, des personnes en colère ou même de simples passants qui ont été arrêtés et enfermés pendant plusieurs heures dans les commissariats de Grenoble. Donc une quinzaine environ d'arrestations et une quinzaine de personnes qui ont reçu une convocation pour aller s'expliquer devant le procureur de la République. Cette grosse manifestation du mardi 20 novembre a été suivie de plusieurs manifestations étudiantes et lycéennes. Donc je disais tout à l'heure, près de 2 par semaine, mardi et jeudi, qui réunissent entre 1000 et 3000 personnes pour aller vite. Et ces manifestations ont été aussi toujours très très encadrées par la police. Et on a senti une tension à chaque fois importante. Et le moindre débordement était impossible, en fait, dans ce contexte-là. Je reviendrai plus tard sur la répression. Pour maintenant parler de la situation actuelle sur le campus et parler de l'état du mouvement. Donc je dirais que aujourd'hui, donc le 13 décembre, le blocage, l'occupation, la fac et la grève se poursuivent dans des conditions de plus en plus difficiles parce que les anti-bloqueurs, les opposants aux grévistes se sont organisés et ont fait en sorte de faire pression sur les points de blocage et dans les AG pour obtenir en tout cas la levée du blocage, ce qui a été fait la semaine dernière. Depuis hier, le blocage a été revoté, mais c'est un blocage qui risque d'avoir beaucoup de difficultés à tenir parce que les grévistes sont de plus en plus isolés et affaiblis. Et en plus, les partiels, donc les examens, sont en train d'être organisés sur le campus. Donc l'occupation tient toujours. Le rapport de force qui a pu se créer avec l'université a porté ses fruits parce que plus de 20 jours d'occupation, c'est quand même une victoire. Voilà la situation au 13 décembre. J'aimerais être dans la peau de ce flingue tenu dans la main d'un beurre qui se verrait canner Le Pen. J'aimerais être dans la peau de ce surin tenu dans la main d'un nègre pour une balave sur mes grès. J'emmerde la droite et leurs élus. J'aimerais que mon majeur crève l'œil à Jean-Marie. Je me battrai pour la richesse de mes racines quand un facho meurt, bagarre à les sourires. Niquer le système, ils auront le feu car ils ont semé la reine. Qu'on les brûle, qu'on les vende ou qu'on les jette dans la Seine. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes pour niquer le système. Ils auront le feu car ils ont semé la reine. Qu'on les brûle, qu'on les vende ou qu'on les jette dans la Seine. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes. J'ai vu les yeux de la innocents. La France donnait au FN plus de 13%. J'ai vu les frères combattre leurs propres frères. Des histoires à 5 francs, suivies d'un meurtre et d'un enterrement. J'ai vu les yeux de certains hommes politiques qui, avant de penser au peuple, ne cherchent qu'à devenir président de la République. J'ai vu le reflet de mes yeux dans ce miroir. J'écris mes peines sur grimoire. Et ben à 8 de plus pour changer l'histoire. J'accuse les juges de faire preuve de préjugés. J'accuse le droit donné à un seul homme de pouvoir nous juger. J'accuse cet engouement qu'a l'humanité pour le dégoût. J'accuse les procureurs de mettre les mêmes sous écrou. J'accuse les chiens de l'État d'avoir la gâchette facile. J'accuse celui qui enferme un frère entre quatre murs. J'accuse certains prêtres de vouloir toucher ce qu'on a conçu. J'accuse nos concrétistes de n'être une bande de démagogues. J'accuse les morts subites pour attaquer d'oseille. Voy a empezar dando los hechos desde que empezó el movimiento estudiantil aquí en Francia, de lo que pasó en la universidad. Bueno, desde que empezó el ingreso a las clases en la universidad, ya se sabía más o menos que iba a haber un movimiento bastante fuerte de contestación, porque la ley, justamente la ley LRU, ya había sido adoptada durante el verano. El movimiento estudiantil se fue construyendo paso a paso y la primera asamblea general, más o menos importante, fue el 17 de octubre, en la cual se reunieron más o menos cerca de 1000 estudiantes. A partir de ese momento, en toda Francia se empezaron a movilizar los estudiantes para poder bloquear las universidades. Sin embargo, lo que pasó es que hubo vacaciones universitarias y el movimiento empezó de verdad después de esas vacaciones, o sea, cerca del 10 de noviembre. El 13 de noviembre fue votado en la Asamblea General la huelga, aceptada la huelga y la toma en Asamblea General, aquí en la Universidad de Grenoble. Además de la toma de la universidad, o sea, de la ocupación y del bloqueo de las clases en la universidad, se votaron también, se aceptaron en las votaciones de la Asamblea General, la ocupación de locales para que el movimiento pueda formarse, pueda reunirse, pueda seguir luchando a través de un lugar físico en el cual los estudiantes puedan reunirse. Ahora quiero hablar de lo que pasa a partir del 13 de noviembre, de lo que pasa ahí en el campus, en el centro universitario. O sea, a partir de ese momento, el 13 de noviembre, cuando la huelga, la toma y la ocupación de los locales está votada, los estudiantes empiezan a organizar para presionar a los presidentes de la universidad. Y una vez que la huelga fue votada y la toma también, los estudiantes se organizan para hacer presión a los presidentes, en este caso presidente de la Universidad de Stendhal, para obtener un lugar físico donde puedan dormir, organizar la lucha que se está dando dentro de la universidad y dar nacimiento a acciones dentro de la universidad. Un lugar donde se puedan reunir, un lugar de partida de algunas acciones, de movimiento, de reflexión. Y lo que pasó durante esa semana que siguió el 13 de noviembre, se trató de ocupar locales a la fuerza porque el presidente no quería saber nada. Y ahí los estudiantes tuvieron que enfrentarse a seguridades, guardias, que están ahí, están en la universidad cuidando los locales para que no se puedan ocupar y hacen un trabajo totalmente de policía. Y ellos, o sea, no dudaron en usar la fuerza, en lanzar los perros, en resistir contra el movimiento que quería ocupar los locales para poder reunirse. O sea, ahí ya empezó la represión a través de esos guardias de seguridad de empresas privadas. Ya se empezó a ver más o menos la represión que iba creciendo hacia cualquier tipo de movilización que se podía crear. Lo que fue muy chocante es que muy temprano, apenas ya el movimiento había empezado ya a formarse, los presidentes pidieron la intervención de los policías. O sea que bastante temprano en el movimiento se vio la intervención ahí directamente en la universidad de policías. En esa semana hubo dos noches seguidas en la que intervino la policía soldándose con 3 detenciones de 3 estudiantes. Esa fue la primera semana y además de eso, paralelamente se formaban, o sea, se organizaban marchas, acciones en torno al movimiento que se estaba dando dentro de la universidad. Sin embargo, todas estas acciones, movilizaciones, marchas, no terminaron con la ocupación de un lugar permanente. O sea, tenemos que esperar la próxima semana cuando el movimiento se da de manera más fuerte, o sea, la semana del 20 de noviembre. Durante esa semana, los estudiantes, después de presionar al presidente de la Universidad Stendhal, obtienen un lugar físico y permanente donde puedan organizar la lucha. En paralelo a todo lo que estaba pasando en la universidad, se organizaron 2 veces por semana, 3 veces por semana, marchas, manifestaciones, acciones en el centro de la ciudad, ya que la universidad, hay que saber, queda completamente fuera de la ciudad, a 3/4 de hora de la ciudad centro de Grenoble, y justamente se organizaron estas acciones de estudiantiles que se daban también en conjunto con toda la movilización que habían desplegado los funcionarios públicos de la SNCF, de los ferrocarriles, la jornada en la que se dio una manifestación completamente masiva, en la cual encontramos todos los sectores de la sociedad, sea estudiantes como funcionarios públicos o trabajadores, fue el día 20 de noviembre. Manifestación en la cual encontramos más de 15.000 personas. Ese día la manifestación se siguió de manera salvaje, como se dice aquí, de manera ilegal porque no es autorizada por las autoridades. Y vimos en ese momento que los estudiantes, los secundarios y los trabajadores que quisieron seguir con la manifestación se tuvieron que enfrentar muy rápidamente a las fuerzas represivas, que no toleraron para nada la continuidad de la marcha y trataron de dividir la marcha. Y es en ese momento unas 15 personas fueron detenidas y llevadas al comisariado, en la cual permanecieron más de 7 horas por el simple hecho de haber marchado en las calles de Grenoble. Este hecho recordó a muchos malos recuerdos de lo que fue el movimiento anti-CPEA, el contrato de primera contratación, el movimiento durante el cual se asistieron a controles de identidad masivos de parte de policías y que fueron también detenidas y guardadas ahí en el comisariado durante horas para ser interrogadas. Bueno, esas 15 personas fueron convocadas para que se vayan a explicar delante del fiscal. Bueno, como decía, esa manifestación, esa marcha masiva del 20 de noviembre, fue seguida por varias manifestaciones que se dieron 2 a 3 veces por semana. En las cuales participaban de 1.000 a 3.000 estudiantes. Y nuevamente esas marchas cada vez eran muy controladas por las fuerzas represivas. Y cualquier desborde, cualquier acción espontánea que se pudiera hacer durante esas marchas era casi imposible. Más tarde trataré más del tema de la represión. Por ahora quería hablar más de lo que está pasando en la actualidad y del estado de ahora del movimiento estudiantil. Hoy día la ocupación de los locales en la universidad sigue, pero en condiciones cada vez más difíciles. Una, porque encontramos dentro de los estudiantes una oposición muy fuerte, antihuelguista, que le decimos, que se han organizado para impedir cualquier tipo de contestación. Y en este caso, que se han organizado para impedir la ocupación de los locales. Estos estudiantes antihuelguistas también intervienen en la Asamblea General para poder destruir el movimiento. Y es lo que pasó justamente la semana, hace 2 semanas, cuando la toma fue rechazada durante la Asamblea General. La semana pasada, o sea, el 12 de diciembre, se volvió a votar la toma, pero es una toma que no creo que dure mucho, porque los huelguistas están cada vez más cansados y además los exámenes están siendo organizados ahí mismo en la universidad. Entonces lo que se puede decir ahora es que la ocupación, la ocupación de locales todavía existe. Se creó una relación de fuerza entre los estudiantes y las autoridades de la universidad, porque 20 días de ocupación, de toma, se puede decir que es más o menos, es una victoria, como dice el compa. Y esta era la situación del 13 de diciembre. Vives en crisis, en el espejo, el reflejo. Mirar por el agua es difícil, imbécil. El mundo ya es bastante hostil. ¿Cómo para enfrentarlo solo? Si te nos une, estás seguro. Ganamos, golpeamos y te contento, mi mono. Con los cabros demostramos lo que somos en acciones. Choques en grandes proporciones. Juntos somos indestructibles campeones. Tu vida es una farsa. Quieres llegar siempre primero a la meta que nadie te alcanza. Dime qué es lo que pasa. Las ansias de ganar te lanzan por la borda y tanta fantasía. ¿Crees que avanza? Yo lo pensaría. El chico decía que podía, que solo lo lograría. Lo haría que batería. Por su persona apostaría, aspiraría grandes cosas, impactaría de todas formas, sin importar pasar, llevar al par, tirándolo a la fosa. Ser individual es el leal, frontal, real, es pendiente de la actitud social. Por sanidad mental son habitantes desde antes, fabricantes de relaciones sociales. Fuente infante, amistades se comparten el metro cuadrado. Te cuenta como soldado, creyendo que siempre te ladra el que está a tu lado. No nos hablamos, no miramos, actuamos como inhumanos. Pensamos que somos amo y mal nos situamos. El egocentrismo se siente en el egoísmo. No niego quererse a sí mismo, pero siendo el que entra en este espejismo. El individualismo divide el dualismo. Incide en sí mismo, decide mal. Yo este altruismo, la ociosidad es madre de todos los vicios. Por eso esta sociedad está al precipicio del desquicio. Al inicio, volvamos, sociabilidad. Necesitamos, no perdamos la sensibilidad. Mientras yo esté bien y los que yo quiero estén bien, feliz. Vamos. Yo no estoy miedo con la política. No. Pues sabes que la vida es una política. Aujourd'hui, une vingtaine de jours après, l'occupation tient toujours, avec en permanence une trentaine d'étudiants, et puis avec des moments forts les soirs de comités de mobilisation qui réunissent à chaque fois autour d'une centaine de personnes. Donc sur le lieu de l'occupation, à l'université Stendhal, tous les jours, on retrouve, comme j'ai dit, un comité de mobilisation qui doit décider des actions qui sont à mener le lendemain et qui décide effectivement de comment se mène le combat contre la loi, mais aussi plus globalement pour un changement plus radical dans l'université et dans la société française. Donc à l'intérieur de cet espace occupé, autogéré, s'est mis en place une université populaire, c'est-à-dire que des étudiants et certains professeurs proposent de faire de ce moment de grève et de lutte un moment aussi d'éducation et de prise de conscience de la façon dont les choses peuvent se transformer collectivement. Alors, dans le cadre de cette université populaire, il y a des conférences, des débats, des discussions sur des thèmes comme les médias, comme par exemple les luttes sociales d'autres régions du monde, en Afrique ou en Amérique latine. Il y a des interventions sur le contenu de la loi LRU qui est contestée, dénoncée par les étudiants. Des interventions sur l'évolution de l'université qui est de plus en plus en train d'être privatisée, en fait. Donc cette initiative d'université populaire, c'est pour rappeler que les étudiants en lutte ne doivent pas être que tout le temps tournés vers l'action, mais aussi dans une démarche réflexive pour essayer de donner du contenu à ce mouvement-là. Pour le moment, la dynamique a du mal à prendre parce que aussi il y a beaucoup de choses à faire concrètement tous les jours pour tenir l'occupation, pour tenir les piquets de grève dans les différentes universités qui sont bloquées. Donc c'est assez dur de mener de front un travail de réflexion et une action politique qui engage beaucoup les individus. Bueno, ahora quisiera hablar de lo que está pasando dentro de esa ocupación, de lo que se ha construido adentro, porque hoy día, más o menos un mes después de la primera ocupación, todavía existe ese lugar ocupado, un lugar en el cual siempre encontramos en permanencia más o menos como 30 estudiantes, un lugar en el cual encontramos, vivimos momentos fuertes de comité de movilizaciones, en el cual se toman decisiones de cómo enfrentar la diferencia situaciones que se pueden presentar el día después y cómo preparar también las elecciones. En esos comités de movilizaciones se reúnen más o menos como 100 personas. Como les decía, a través de esos comités de movilizaciones se decide cómo preparar la lucha para cambiar justamente esa ley, para luchar contra esa ley, cambiar las dinámicas que se viven en la universidad, pero también hacia un cambio más radical de la sociedad francesa en general. Entonces, a través de ese lugar autogestionado, ese lugar ocupado, se formó una universidad popular. O sea, que estudiantes, profesores, investigadores, personas exteriores proponen temas para no solo luchar, estar de una manera, de un punto de vista defensivo, sino más bien para construir. a través de la educación, una manera también de concientizarse sobre la manera con las cuales podemos cambiar las cosas, podemos transformar esta sociedad colectivamente. Entonces encontramos en esa universidad popular debates, encuentros, discusiones, talleres sobre diferentes temas, por ejemplo lo que es la educación, lo que es el rol de los medios de comunicación hoy día, encuentros sobre luchas de otros países, América Latina o África. Entonces la creación de esta universidad popular se hizo con el objetivo de darle un lado reflexivo a la lucha que se está llevando, a las acciones que se están llevando. Por el momento, la dinámica del movimiento le cuesta prenderse, si queremos decirlo así, porque hay muchas cosas que hacer, faltan personas, y no hay que olvidarse que no solo está esa universidad popular, ese lugar ocupado ahí permanente, físico, pero cada día hay piquetes, hay informaciones que dar, relaciones que crear con los estudiantes que no están al corriente de lo que está pasando. Lo que quiero decir en realidad es que es difícil dirigir una lucha, o sea, dirigir acciones y al mismo tiempo organizarse, organizar talleres, organizar debates, discusiones, para no dejar de lado que cada acción está pensada, reflexionada, y que seguimos reflexionando en cómo realizar la lucha y las acciones que van con esa lucha. Tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde. Qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde. Qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde. Qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Je reviendrai sur un moment assez important, c'est ce qui s'est passé le 29 novembre. Les étudiants en grève et les étudiants bloqueurs s'attendaient à ce que la présidence de l'université Pierre Mendès France fasse appel à la police pour évacuer les points de blocage. C'est ce qui a été fait le matin tôt, à 7h30 du matin. Des policiers sont intervenus sur le campus pour essayer de déloger les bloqueurs. Ils se sont opposés à une résistance assez forte de la part des étudiants. Et c'est dans ce contexte-là que la police présente a fait appel à du renfort. Plusieurs groupes de policiers et notamment les gendarmes mobiles sont intervenus pour pouvoir libérer les accès aux universités. Et à ce moment-là, on a vu quelque chose d'assez choquant, c'est-à-dire des gaz lacrymogènes tirés sur les manifestants, des coups de matraque donnés aux grévistes et aux étudiants bloqueurs. Et on a vu le président et les responsables de l'université soutenir, en étant présents, l'intervention de la police au prétexte qu'il fallait libérer les locaux pour assurer la liberté d'étudier des étudiants qui n'avaient pas envie de se mobiliser. Et donc on a vu là une opposition entre une partie des étudiants qui a essayé de reprendre le chemin des amphithéâtres sous les sifflets des étudiants bloqueurs, et ces étudiants-là qui voulaient reprendre les cours étaient protégés par la police. Ça, c'est une scène assez folle qu'on aimerait ne plus revoir dans les universités. Ce qui s'est passé quand même, c'est que dans ce contexte-là très tendu, les cours n'ont pas pu être poursuivis dans cette semaine-là, et donc la présence des bloqueurs et la présence des grévistes a empêché encore pendant quelques jours la reprise des cours. Le même jour, je dirais qu'il y a eu un événement assez exemplaire aussi de la tension qui existe sur le campus. Le directeur de Sciences Po Grenoble, de l'IEP de Grenoble, a lui-même essayé de personnellement débloquer l'accès à l'Institut des études politiques. Et à ce moment-là, face à des étudiants bloqueurs, il a complètement pété les câbles, péter les plombs et agresser violemment, en saisissant une barre de fer, des étudiants qui étaient face à lui. Ce qui est peut-être le plus fou dans cette histoire, c'est que les images de l'agression ont été vues parce qu'il y avait une caméra de France 3. Elles ont fait le tour d'Internet, et face à l'énormité de cet acte-là, il n'y a pas eu de sanction qui a été prise à l'encontre du directeur de l'IEP. Donc celui-ci est encore directeur d'IEP, il tient ses fonctions, il a même reçu un soutien du personnel et de l'IEP et de, d'une partie des étudiants. Donc on voit bien un petit peu quel est le contexte actuel de violence qui peut être commise contre les grévistes sur le campus. Quería hablarles ahora de lo que pasó el 29 de noviembre. Los estudiantes huelguistas se esperaban ese día a que la universidad Pierre Mendès France llame a la policía para desbloquear la universidad. Y es lo que fue hecho ese día a las 7:30 de la mañana. La policía, las fuerzas especiales, intervino esa mañana para expulsar y desalojar a los huelguistas, pero tuvieron que enfrentarse a una resistencia bastante fuerte de parte de los estudiantes. Así que los policías tuvieron que llamar refuerzos y en ese contexto intervino gendarmería para poder desalojar a los estudiantes. Ese desalojo fue realizado de manera muy violenta. Se vieron gases lacrimógenos tirados a los estudiantes, golpes por parte de policía a estudiantes, intimidaciones, un desalojo muy muy violento. Y se vio en ese momento el apoyo total por parte de los presidentes de las facultades, el apoyo a los policías que estaban desalojando de manera muy violenta la entrada de la universidad para justamente para que los estudiantes contrahuelguistas puedan ejercer la supuesta libertad al estudio. Y justamente los estudiantes que querían retomar las clases, los estudiantes anti-bloqueos, se dirigieron hacia las salas para poder recibir las clases. Todo esto con el apoyo de los policías. Y bueno, en ese contexto, a pesar de la presencia de policías, de la represión y de los estudiantes que querían retomar las clases, esa semana las clases no pudieron ser retomadas y se tomó la universidad. Ese mismo día, 29 de noviembre, hubo un caso bastante ejemplar de la tensión que existía entre estudiantes huelguistas que estaban movilizándose, estudiantes no huelguistas y administración, autoridades de las universidades. El presidente de la Universidad de Stendhal intentó en persona desalojar, impedir la toma de la universidad, intentó liberar físicamente el ingreso a la universidad y en ese contexto perdió la cabeza, tomó una barra de fierro y empezó a golpear contra los estudiantes que estaban ahí tratando de tomarse la universidad. Lo que marca mucho este hecho es la impunidad con la que actuó el presidente. O sea, las imágenes en las cuales se ve a ese presidente tomando la barra de fierro y tratando de pegarles a los estudiantes, se transmitió en la televisión, en internet, dio vueltas y vueltas de todos los medios de comunicación y a pesar de eso, la impunidad sigue, no hubo sanciones ni siquiera administrativas, ni siquiera morales hacia ese presidente autoritario y violento. Este presidente todavía tiene sus cargos y hasta recibió apoyo de una parte de los profesores y de los estudiantes. Con estos hechos se puede ver más o menos el contexto en el cual se desarrolla esta lucha, contexto de violencia, hostilidad en contra de los estudiantes movilizados. Il y a une hostilité terrible contre les gens en lutte, contre les étudiants mobilisés. Hostilité de la part des présidents d'université et du personnel. Alors les présidents d'université, il faut savoir qu'ils ont fait preuve d'un autoritarisme inouï. Ils ont à Grenoble, en tout cas pour parler du président de l'université Pierre Mendès France, fait appel à la police sur le campus pour déloger des bloqueurs et des étudiants mobilisés. L'université aussi, Stendhal, a fait appel les premiers jours à la police pour empêcher les étudiants de se réunir dans des amphithéâtres et de les occuper. Et cet autoritarisme-là des présidents d'université laisse bien augurer du pouvoir futur dont disposeront les présidents d'université, parce que la loi en question, la loi LRU, va conférer encore plus de pouvoir aux présidents d'université et aux directeurs de composantes. Et donc, on a bien vu pendant ce mouvement ce que pouvait donner l'exercice du pouvoir dans un cas de mobilisation et de mouvement social. Donc moi, ce que je retiens, c'est que les présidents d'université ont été contre et de façon violente les étudiants en grève, que plusieurs fois, et pas seulement à Grenoble, il y a eu des présidents d'université ou des directeurs du FR qui n'ont pas hésité à intervenir physiquement, personnellement, sur les lieux de blocage pour débloquer les accès aux universités et aux établissements. Et donc là, moi, je donnerai l'exemple de ce qui s'est passé à Grenoble avec le directeur d'IEP, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi à Metz, un président d'université a lui-même essayé de débloquer une université et à l'aide de vigiles, et il a aussi commis un acte violent en blessant une étudiante au ventre. Donc ça, c'est quelque chose de complètement fou et d'inouï, cette violence-là. Il y a eu une hostilité très forte contre les étudiants huelguistas en lucha por parte de los presidentes de las facultades. Los presidentes de las facultades que vendrían ser personas que son elegidos por un consejo de facultad que este es constituido de profesores y alumnos. Estos presidentes actuaron con un autoritarismo terrible contra cualquier estudiante que estuviera movilizado. Aquí en Grenoble, los mismos presidentes llamaron a policías para que vinieran a desalojar a los estudiantes que estaban movilizados. Y estos hechos dejan ver, constatar, cómo será el poder que tendrán los profesores, los presidentes de universidad con la ley LRU que fue adoptada. Que justamente esta ley pone que el poder de decisión de los presidentes de facultad va a ser más grande con esta ley. Y ya en este movimiento se vio cómo los presidentes, sin preguntarle ni al consejo de facultad, al consejo de administración, preguntarle a nadie, consultar a nadie, tomaban las decisiones para reprimir al movimiento que estaba luchando contra esa ley. Entonces lo que concluyo, o sea, diciendo que durante este movimiento los presidentes de facultad y los directores estuvieron radicalmente contra cualquier tipo de movilización y demostraron su oposición de manera violenta contra los estudiantes en lucha. Quisiera mencionar que varias veces, y no solo en Grenoble, presidentes de universidades o directores no dudaron en intervenir físicamente con la fuerza para agredir a los estudiantes que estaban defendiendo el lugar ocupado o defendiendo la toma de la universidad. Y bueno, en este sentido doy el ejemplo del director del presidente de la universidad, o sea, de la Facultad de Ciencias Políticas, quien agredió físicamente a varios estudiantes, pero también daría otro ejemplo de lo que pasó a Metz, otra ciudad de Francia, ciudad donde un presidente trató de justamente parar la toma físicamente, violentamente, agrediendo, pegándole a una chica en el estómago. Alors ça c'est une chose, moi j'ai pu constater donc une hostilité des étudiants, et puis ce qui est peut-être le plus choquant dans le mouvement qui s'est produit, c'est les interventions répétées de la police sur le campus, c'est le contrôle et la pression qui est mise sur les étudiants les plus engagés dans la lutte. Et pour donner un exemple de cette gestion policière des mouvements sociaux, je prendrai l'exemple de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée Générale, après l'Assemblée Générale étudiante, c'est-à-dire que des étudiants motivés pour aller faire une action de blocage, une action pour intervenir dans l'espace public en bloquant une route, par exemple, donc quelque chose qui ne devrait pas entraîner automatiquement une répression policière, la répression policière, et cette action a été empêchée par la police. La police qui se trouvait sur le campus à ce moment-là, qui a poursuivi sur tout le territoire du campus, à travers les rues du campus, les étudiants qui s'étaient réunis pour cette action-là, qui les a poursuivis jusqu'à la bibliothèque universitaire. Les étudiants étaient obligés de se réfugier à l'intérieur de la bibliothèque universitaire. Et ça, c'est quelque chose de complètement scandaleux. Mais on a l'impression que aujourd'hui, ça n'étonne plus personne, et plus personne est en mesure de se révolter contre ces méthodes policières qui sont utilisées à l'encontre des mouvements sociaux et à l'encontre des gens qui luttent. De la même manière, la gestion quasi militaire des quartiers populaires, avec le dernier exemple de la révolte de Villiers-le-Bel, laisse penser que la France est en train de prendre une tournure ultra répressive et que les futurs mouvements sociaux auront face à eux une hostilité énorme, et que les pratiques les plus courantes de l'action politique elles-mêmes vont à terme risquer d'être criminalisées. Lo que para mí fue lo más chocante de todo este movimiento es la intervención repetida y permanente de parte de los policías, y que ejercen un control sistemático sobre los estudiantes que están en la lucha. Para dar un ejemplo, voy a citar lo que pasó el 12 de diciembre. Después de la Asamblea General en la cual se votó la toma, los estudiantes movilizados deciden hacer una acción y deciden bloquear una calle, acción que fue duramente reprimida por parte de los policías. Llegó a tal extremo que los policías se pusieron a perseguir a los estudiantes en todo el centro universitario, hasta poder entrar en la biblioteca donde se estaban refugiando los alumnos. Y este tipo de hecho ya casi no cuestionan a nadie. O sea, nadie se rebela por ver a la policía presente y reprimiendo a estudiantes hasta adentro del mismo lugar físico de la universidad. O sea, ya nadie se cuestiona sobre la presencia permanente de las autoridades represivas. Y esto no se ve solamente en este contexto de movimiento social, sino también se ve esta gestión policial, se ve también en los barrios populares de Francia, y cómo lo pudimos ver este último tiempo en Villiers-le-Bel, la cual pudimos ver una gestión policial convertida en una gestión militar en los barrios populares de Francia. Y eso deja ver, observar y constatar que la Francia está convirtiéndose completamente en un estado represor, y que en el futuro los movimientos sociales se van a tener que enfrentar a un aparato represivo enorme, y llegaremos hasta el momento en que cualquier acción política que cuestione al actual gobierno o régimen sean duramente reprimidas. Atacarla, destruirla, aniquilarla, ya te quieren como un adicto o como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano, palma, ni comió. Si eres soñador, la cana te espera. Te cae la teja vieja, la resca para el subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un dejo, te duda la dura muralla. Son dura, labura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen. El fruto maduro, que somos duros, no estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y repren ley. Si eres un chico tranqui de la onda india, está bien. Si no eres rico, eres punk indígena, te tiraste, te quieren joder. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia, y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia, y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. CNN y TPN, la tele te desinforma. N, quieren en tus sienes su norma, y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. Tienes que alterar. Somos CNN, super cispa. Tipo a la cola, víboras vivas, devoran vidas que elaboran y va. Mejora que más peor, mira, y la ley no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa al hombre que privatiza, sobrevive y analiza. Que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco blanco y narcotraficante son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado. Violenta es la subcontratación y los salarios. Violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta, puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía es visible. Que la jerarquía de un Estado es inservible. Somos libertarios, no liberales. Capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment, d'une part, l'autoritarisme des présidents d'université qui n'ont pas hésité à faire appel aux forces de l'ordre à plusieurs reprises, des personnels de direction, des responsables d'université ou de composantes universitaires qui sont intervenus personnellement pour débloquer violemment des accès à l'université. Ça, c'est quelque chose, c'est un des premiers points. Deuxième point, c'est l'hostilité assez énorme d'une grande partie d'étudiants qui ont essayé par tous les moyens d'intervenir et de contre les actions de blocage et contre les étudiants mobilisés, que ça soit en AG, en intervenant, en insultant, en sifflant les étudiants qui intervenaient pour soutenir le blocage, que ça soit sur les points de blocage en intervenant violemment et en cassant la gueule de certains bloqueurs, que ça soit au moment de l'intervention de la police sur le campus en défendant, en soutenant la violence et l'action policière. Ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'a assez choqué par rapport au mouvement CPE d'un an et demi, il y a un an et demi en arrière. Et le dernier point, c'est moi ce qui m'a choqué un peu, c'est le fait que les professeurs et les personnels administratifs ont été très peu présents dans ce mouvement-là. Ils ont laissé les étudiants se mobiliser, mais ils les ont soutenus très rarement, même les professeurs dits de gauche, habitués aux mouvements sociaux. Et quand ils n'auront pas directement mis des bâtons dans les roues, ils se sont montrés très, très absents quoi, de cette lutte. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui pose question. Bueno, terminando haciendo un resumen de la parte de la represión que se dio contra el movimiento, lo que más me golpeó fue el autoritarismo de los presidentes de facultades. El segundo punto importante, que fue parte de la hostilidad que se dio contra los estudiantes movilizados, es la oposición de los estudiantes antihuelguistas, quienes estuvieron siempre presentes saboteando el movimiento, sea en la ocupación, sea en las tomas, que también intervenían violentamente contra los otros estudiantes huelguistas, o sea en las asambleas generales, que intervenían tomando la palabra y tratando de descalificar completamente el movimiento y las reivindicaciones del movimiento. Y el tercer punto importante de la parte de la represión que se dio en el movimiento es la intervención permanente y regular y muy numerosa de las fuerzas represivas dentro de la universidad. Y el último punto importante, que al final hace parte de este contexto represivo en contra del movimiento estudiantil, es la pasividad de los miembros de la administración de la universidad o de los profesores universitarios, quienes no demostraron ninguna solidaridad, apoyo al movimiento, a estudiantes personalmente, que estaban movilizándose o siendo reprimidos por fuerzas policiales. O sea, hasta profesores que se dicen de izquierda o profesores progresistas estuvieron muy ausentes durante todo este movimiento. Ils parlent d'égalité. Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Pour eux, ça n'existe pas. Les bavures policières, ça n'existe pas. La double peine, ça n'existe pas. Délit de faciès, ça n'existe pas. Éducation de seconde zone, ça n'existe pas. Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Justice à deux vitesses, ça n'existe pas. Et si tout ça n'existe pas, on est tous parano, on est fous. C'est ça? Ben voyons. Pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils veulent récolter le reste, justice, pas de... Et ben je pourrais du rapport des étudiants en lutte et des médias, avec les médias. Alors comme c'est devenu une tradition maintenant depuis le CPE, les étudiants ont une attitude vis-à-vis des médias de grande défiance, c'est-à-dire que les médias sont rarement les bienvenus sur les campus en lutte, dans les espaces occupés de ces campus-là. Ils sont très, très rarement les bienvenus dans les AG. Et le traitement médiatique des conflits sociaux et notamment du mouvement là en question, du mouvement étudiant, est quelque chose qui préoccupe beaucoup les étudiants mobilisés. Donc c'est une bonne chose à mon sens de développer une attitude critique, une analyse critique de la façon dont les journalistes et les médias traitent des mouvements sociaux. Et ce qui s'est passé à Grenoble, mais dans certaines autres villes, dans certains campus occupés, ça a été effectivement une mise à distance claire des journalistes. C'est-à-dire que dans les campus de Rennes, par exemple, sur la fac occupée, les étudiants ont créé un espace où ils ont cantonné les journalistes, et espace dans lequel ils sont intervenus pour expliquer aux journalistes les raisons de leur action et parler au nom des étudiants mobilisés. Mais c'était un espace très restreint et les journalistes n'avaient pas le droit d'aller au-delà de cet espace-là. Dans certaines actions, les journalistes ont été pris à partie ou ont été en tout cas virés des espaces ou des cortèges, ça s'est vu aussi. Et ce climat général de défiance vis-à-vis de la presse a été très très mal vécu par les journalistes eux-mêmes. Et donc les rares articles qui ont été faits sur la mobilisation étudiante sur l'organisation de la lutte et les espaces occupés, ces rares articles-là ont été toujours des articles dénonciateurs de l'attitude extrémiste, radicale, autoritaire des étudiants qualifiés de gauchistes, d'ultra-minoritaires, d'anarcho-libertaires. Et les journalistes qui ont couvert le mouvement ont tout le temps ou souvent été dans une attitude de victimisation, c'est-à-dire de montrer que les médias, qui sont pourtant un des piliers de la démocratie, ne peuvent pas faire leur travail correctement dans des contextes de lutte, et ce qui pour eux signifie que la lutte n'est pas légitime, que les procédés ne sont pas démocratiques, et que les étudiants veulent faire, ou les grévistes veulent faire des coups de force. Ça a été effectivement quelque chose qui est ressorti dans les médias, et qui a été majoritairement relayé à droite à gauche. Il faut quand même dire que globalement, le mouvement a été très peu suivi, très peu relayé par les médias. Il y a eu un silence assez assourdissant dans les grands médias officiels. Et ça pose la question de est-ce que les journalistes et les médias n'ont pas vu qu'une quarantaine d'universités a été perturbée, que tous les jours dans les grandes villes françaises, toutes les semaines, je veux dire, dans les grandes villes françaises, il y avait des manifestations étudiantes et lycéennes. Je sais pas, ou est-ce que ça signifierait que aujourd'hui les journalistes et les responsables de médias n'ont pas envie de froisser le gouvernement nouvellement élu de Nicolas Sarkozy. Je sais pas. Toujours est-il que il y a eu une occultation, un silence assez général sur le mouvement. Et ce qui pose question, c'est quand, par exemple, des actes aussi scandaleux que des passages à tabac de militants par la police, d'interventions musclées de vigiles sur les campus ou de forces de l'ordre qui vont même jusqu'à blesser physiquement des étudiants ou des lycéens, comme ça a été le cas à Nantes où un jeune lycéen a été blessé par flashball à l'œil par la police. Toutes ces choses-là, toute cette violence-là qui a été commise à l'encontre des militants, des mouvements et des étudiants mobilisés n'a pas été relayée, et c'est quelque chose qui est vraiment problématique. On se demande jusqu'où peut aller la violence contre les acteurs des mouvements sociaux pour que ça intéresse les médias, au moins qui se mettent à dénoncer les pratiques les plus abusives. Et donc ça, c'est quelque chose qui était assez manifeste, quoi, le silence des médias sur cette lutte. Voilà. Et pendant le mouvement, on a bien vu que les seuls moyens d'information, c'était les moyens d'information que les gens en lutte voulaient bien se donner. Et ces moyens d'information, ça a été beaucoup effectivement Internet, avec des wikis et des sites d'étudiants et de gens en lutte qui essayaient de coordonner leurs actions et de donner de l'information le plus largement possible. Ça a été les sites d'information alternatifs comme ceux du réseau Indy Media en France, qui ont été beaucoup consultés pendant cette époque-là et qui ont permis de relayer les informations qu'on n'entendait pas justement dans les médias dominants. Ça a été aussi beaucoup des interventions dans la rue, du tractage, des discussions au moment des manifs notamment, parce que les médias ont été très, comme je disais tout à l'heure, très très absents de ce mouvement-là. Ce qui est une bonne chose, c'est que ces moments-là sont les moments où les gens peuvent prendre conscience qu'il faut se doter des moyens d'information alternatifs et qu'il faut créer des médias indépendants qui permettent de court-circuiter les médias officiels, qui sont de toute façon majoritairement contre les gens qui luttent. Et j'espère qu'en tout cas ça aura donné des idées à beaucoup de monde, et que à l'avenir justement il y ait de plus en plus de supports, moyens d'information qui soient créés. Yo quisiera tocar el tema de la relación de los medios de comunicación masivos y del movimiento estudiantil que se dio. desde el movimiento que se dio contra el CPE, los estudiantes militantes ya sienten una desconfianza muy grande hacia los medios de comunicación masivos, y eso se ha traducido en no tolerar la presencia de los medios de comunicación durante acciones, en las ocupaciones y en asambleas generales. El tratamiento mediático del movimiento, de la movilización estudiantil o de las movilizaciones sociales en general en los medios de comunicaciones masivos es algo que preocupa bastante a los estudiantes. Y yo creo que es importante ser crítico hoy día frente a los medios de comunicación masivos y frente a la manera que tocan los temas de las movilizaciones sociales. En Grenoble, pero también en otras ciudades, se distanció categóricamente de los medios de comunicaciones masivos, de los periodistas y todo lo que representan medios oficiales de comunicación. Por ejemplo, en la Universidad de Rennes, estudiantes crearon un espacio en el cual podían recibir a los periodistas y podían hablar en nombre de los estudiantes movilizados. Pero es un espacio limitado, un espacio controlado por los estudiantes para que no se vayan a salir o no se vayan a tomar fotos, etc. Los periodistas no podían salir de ese lugar. Lo que se vio también es que los periodistas fueron varias veces echados de las marchas y de las ocupaciones. Y bueno, esta desconfianza hacia los medios de comunicaciones oficiales fue muy mal vivida por los periodistas mismos. Y por lo tanto, los pocos artículos que escribieron sobre el movimiento lo escribieron desacreditando completamente a los estudiantes movilizados, tratándolos de autoritarios, violentos, anarquistas, anarcosindicalistas, libertarios, minoritarios, extremistas, izquierdistas, bueno, una serie de términos que se les encontró a los estudiantes, que, bueno, pueden ser verdaderos en algunos casos, pero que los emplean con el objetivo de al final criminalizar a la movilización, a la gente que se ha movilizado. Y en este contexto, los periodistas siempre asumieron como un rol de víctima, diciendo que los medios de comunicación masivos, que hacen parte de la democracia, lo que forman la democracia, ellos como funcionarios a este componente de la democracia no podían ejercer su trabajo o no pueden ejercer su trabajo bien cuando nos encontramos en contextos de movilizaciones grandes, de lucha y de resistencia. Y por eso siempre sacan los mismos argumentos en decir que la movilización no es legítima, las maneras de funcionar no son democráticas, que la gente que se moviliza es minoritaria. Estos son argumentos que escribieron los periodistas en sus artículos en los diferentes medios de comunicación oficiales y que fueron retomados obviamente por toda la gama de personas que estaban dispuesta a oponerse a la movilización estudiantil. Y este es el caso de cuando se habló en realidad del movimiento. Pero en general se tiene que admitir y ver que hubo un cerco mediático completamente por parte de los medios de comunicaciones oficiales. Y lo que yo me pregunto es que o no vieron que habían 40 y tantas universidades en toma en toda Francia y que habían cada semana, dos veces por semana, marchas masivas en toda Francia, o no vieron eso, o significa más bien que hoy día los periodistas, los medios de comunicación masivos como la televisión, el diario, no quieren alterar al nuevo presidente Nicolas Sarkozy. Bueno, no sé, lo único que sé es que sí hubo un silencio mediático. Y bueno, cuando se vieron estos hechos de violencia policial hacia estudiantes, violencia de presidentes de facultad hacia estudiantes movilizados, y todo esto, esos hechos de violencia de los cuales resultaron heridos, como es en la Universidad de Nantes, donde un estudiante fue herido por una bala de flashball al ojo. Todos esos hechos no fueron redactados o difundidos en los medios de comunicación. Y nos preguntamos hasta qué punto de violencia se tiene que llegar hacia la gente movilizada para que los medios de comunicación se interesen y empiecen a denunciar ese contexto de violencia y de abuso. Y justamente de manera alternativa, los estudiantes movilizados se dieron cuenta de que al final los únicos medios de comunicación que se podía a los cuales se podía confiar en realidad eran los medios de comunicación creados por los mismos protagonistas de la lucha. En este caso, bueno, las diferentes redes entre estudiantes o las diferentes páginas de Francia de Indie Media sirvieron para poder difundir las organizaciones, las acciones y también denunciar lo que estaba pasando, los abusos que se estaban cometiendo en contra de los estudiantes movilizados. En esos medios de comunicación como Indie Media o Rebellion, en Lyon, es que es una página de contrainformación con más moderación, se encuentra en información que al final no se encuentran en los medios de comunicación masivos. Y bueno, no hay que olvidar también que la comunicación se hizo mucho durante las manifestaciones, distribuyendo panfletos a la gente y tratando de hacer correr la voz lo más posible para que la movilización se agranda y se denuncien los abusos y la violencia. Bueno, lo bueno es que en esos momentos las personas se dan cuenta de que se necesitan crear medios alternativos, medios independientes, en los cuales nosotros mismos seamos participantes a la difusión de la información, y así para poder un poco bloquear o para así romper en realidad el cerco que los medios de comunicación masivos y oficiales tratan de crear en torno a cualquier movilización social que se crea. Y esperamos así que en el futuro ya la gente habrá tomado conciencia y empiece a crear sus propios medios de comunicación. Faut se mettre à l'ouvrage, y a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches, nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte, camarade, si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète, j'ai pas de carottes. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. Faut y aller, faut y aller.